John Doggett, True Blood dans les saisons 5, 6 et 7 dans le rôle de Jackson Hervo, et dans la série Scorpion dans le rôle de Cape Gallo, l'agent de sécurité intérieure. 1959, naissance de Bryan Adams, chanteur canadien. 1960, naissance de Tilda Swinton, actrice britannique, vue dans la trilogie du monde de Narnia dans le rôle de Jadis, la sorcière blanche. Michael Clayton dans le rôle de Karen Crowder, Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. L'étrange histoire de Benjamin Button dans le rôle d'Elizabeth Abbott. Et Doctor Strange ou encore Avengers Endgame dans le rôle de l'ancien. 1963, naissance de Jean-Pierre Papa, ancien footballeur français, ayant fait carrière de 1984 à 2004 en jouant à Valenciennes, à Bruges, à Marseille, au Milan AC, au Bayern Munich, au Girondins de Bordeaux, Guingamp, à Saint-Pierroise. Et enfin, il a terminé en jouant pour l'équipe du Cap-Ferret. Et à noter qu'il avait été Ballon d'Or en 1991. C'est également l'année de naissance de Serge Calfon, réalisateur français connu du public grâce à la fameuse expression magnéto-Serge utilisée par Thierry Ardisson lorsqu'il réalisait Tout le monde en parle. 1964, naissance de Famke Janssen, actrice néerlandaise, vue dans GoldenEye dans le rôle de Xenia Onatopp, X-Men 1 et 2, X-Men l'affrontement final, X-Men Days of Future Past dans le rôle de Jean Grey, ainsi que dans Wolverine, le combat de l'immortel, vue dans Taken 1, 2 et 3 dans le rôle de Lenore, l'ex-femme de Brian, Hansel et Gretel Witch Hunters, la série télé Nip Tuck, Murder dans le rôle d'Eve Rotlow, Blacklist dans le rôle de Scotty Hargrave ainsi que dans Blacklist Redemption. 1967, naissance de Judy Reyes, actrice américaine connue pour son rôle de l'infirmière Carla Espinoza dans la série télé Scrubs, celui de Zola Diaz dans Devious Maids ou encore celui de Dina Milagro dans Jane the Virgin. 1968, naissance de Sam Rockwell, acteur américain, vu dans Le Songe d'une nuit d'été, La Ligne verte dans le rôle de William Wharton, Iron Man 2 dans le rôle de Justin Hammer, Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance dans le rôle de Jason Dixon, récompensé de l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. 1971, naissance de Johnny Greenwood, musicien britannique du groupe Radiohead. 1977, naissance de Cyril Lignac, cuisinier français, qui de 2010 à 2014 a co-présenté Top Chef. Depuis 2012, on le voit dans la célèbre émission Le Meilleur Pâtissier. 1979, naissance de Tarek Boudali, acteur réalisateur français, vu dans Paris à tout prix, Babysitting 1 et 2 dans le rôle de Sam, Alibi.com dans le rôle de Mehdi, Épouse-moi mon pote dans le rôle de Yacine, et plus récemment dans Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon dans le rôle de Poncho, et vu à la télévision dans la série En Famille dans le rôle de Kader Ben Gazouira, réalisateur d'Épouse-moi mon pote, et il est en train de réaliser 30 jours max, dont la sortie est prévue normalement pour le 14 octobre 2020. 1986, naissance de Yann Mahami, basketteur français professionnel depuis 2003, ayant joué à Le Havre, à Pau Orthez, aux Spurs de San Antonio, aux Toros d'Austin, aux Mavericks de Dallas. Pendant le lockout en NBA, il est revenu à jouer à Le Havre. Ensuite, il a joué aux Pacers de l'Indiana et depuis 2016, il joue pour les Wizards de Washington. 1987, naissance de Kevin Jonas, musicien américain du groupe Jonas Brothers, et on écoute tout de suite un extrait de leur titre intitulé Bunnin' Up. I'm slipping into the lava. Voilà pour l'extrait des Jonas Brothers. Allez, on continue les anniversaires. 1988, naissance de Yannick Borel, épéiste français qui aux Jeux Olympiques compte une médaille d'or par équipe remportée en 2016. Au championnat du monde, il compte 3 médailles d'or par équipe, une médaille d'or individuelle, une médaille d'argent par équipe. Et au championnat d'Europe, 2 médailles d'or par équipe et 3 médailles d'or individuelles. 1992, naissance de Marco Verratti, footballeur international italien qui de 2008 à 2012 a joué au Delfino Pescara et depuis 2012, il joue au PSG. Allez, tout de suite, on s'écoute Bryan Adams avec son titre « Everything I do it for you ». Look into my eyes. Voilà pour le petit moment romantique avec Bryan Adams et son titre Everything I do it for you, la bande originale de Robin des Bois avec Kevin Costner. Allez, quelle heure est-il ? 8h54 et on parle météo. La météo. Alors, il y a un petit peu d'amélioration aujourd'hui, je dis bien un petit peu, puisqu'on a quelques éclaircies, mais le ciel est quand même chargé de nuages et on aura quand même un petit peu de pluie par intermittence. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés ce matin, entre 9 et 11 degrés pour cet après-midi. Pour mercredi, ce sera comme aujourd'hui, mais à l'inverse, on aura plus de pluie que d'éclaircies. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés prévus pour demain après-midi. Et la journée de jeudi restera mitigée avec des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 7 et 8 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, tout de suite, on file faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent ce matin. On va commencer avec du football et la Ligue 2 et le match nul de Nancy à Le Havre, un but partout. Ce soir, il y a de la Ligue des Champions. Lyon reçoit le Benfica. Lille se déplace à Valence. Pour les clubs où on peut retrouver des Français, Chelsea reçoit l'Ajax d'Amsterdam et Barcelone reçoit le Slavia Prague. À noter qu'en équipe de France féminine, Amandine Henry est blessée. Elle est donc forfait pour le prochain match des Bleus, hein, France-Serbie. Un mot de tennis maintenant avec le classement ATP et WTA qui a été mis à jour hier. Rafael Nadal redevient numéro 1 mondial. Il compte quelques centaines de points d'avance sur Novak Djokovic. Numéro 3 mondial, ça reste Roger Federer. Le premier français, c'est Gaël Monfils qu'on retrouve à la 10e place. Lucas Pouille, lui, est 22e. Benoît Paire, 24e. Et la belle remontée de Wilfried Tsonga à la 29e place du classement mondial. Et côté WTA, c'est donc Barty qui est numéro 1 mondial devant Pliskova et Osaka. La première française, il faut aller la chercher loin puisqu'elle est à la 40e place, c'est Kristina Mladenovic. Et la deuxième française, c'est Caroline Garcia à la 45e place. Cette semaine, c'est le Next Gen ATP Finals où on retrouve la future génération, hein, masculine. Au programme d'aujourd'hui, on retrouve un Français, Hugo Humbert, qui affrontera Imer. Il y aura également Tiafoe face à Sinner, Demineur opposé à Davidovich Fokina et Rude opposé à Kekmanovic. Voilà pour l'actu sportive. Tout de suite, on s'écoute Radiohead avec le titre Creep. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. What the hell am I doing here? I you happy. Whatever you want, so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. C'était Radiohead avec leur titre Creep sur RGM. 9h passées de presque une minute. On fait un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, ce sera à 10h30 avec Plus belle la vie. Ensuite, 18h30, vous retrouverez Kaizen. 20h, La parole est à vous avec Michel. 22h, J'aime et je vous le lis. Et 23h, 20 Flight Rock. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.